France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Au Canada, c'est du ciel qu'ils ont observé les mammifères marins, les fameuses baleines du Saint-Laurent. On arrive au Canada par le nord, on traverse le Nunavut et on se pose sur un ancien aéroport de la Seconde Guerre mondiale, depuis désaffecté. Donc on se pose sur notre vieil aérodrome, dont le bitume est un peu craquelé, avec des morceaux d'herbe qui sortent à droite et à gauche. Et on réussit à héberger l'appareil dans un des hangars qui a été préservé. Puis là, on va rencontrer toute l'équipe du Mingan Island Cetacean Study, qui est un institut océanographique qui s'occupe d'étudier les comportements des mammifères marins. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, qu'ils notent toutes les petites habitudes, qu'ils identifient un à un les différents animaux. Alors, il faut savoir que pour reconnaître une baleine, il faut faire une photo de sa queue. Et qu'à partir de là, on arrive en comparant les petites taches avec une base de données, à savoir quel est l'individu. Donc pendant 3 semaines, on a guidé les bateaux des chercheurs avec notre petit avion. Le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, la baleine, par défaut, c'est un animal qui vit sous l'eau, à 300 mètres ou 600 mètres de fond, pour aller chercher du krill, par exemple, pour se nourrir. Puis ensuite, il remonte succinctement, une dizaine de minutes, avant de replonger. Donc, il faut être là, au bon endroit et au bon moment. Ensuite, avec un bateau, on va pouvoir voir le jet à l'horizon, ou éventuellement des remous à la surface de l'eau, mais il faut que l'eau soit extrêmement calme. L'utilisation d'un avion, bon, d'abord, ça permet d'augmenter énormément la distance de la base à partir de laquelle on peut aller repérer des animaux, puisque nous, en une heure de vol, on peut faire 200 km, alors qu'avec un bateau, il faut se lever tôt et ramer. Et puis ensuite, une fois qu'on est en l'air, on va détecter les jets plus loin, et on peut repérer des animaux qui sont sous l'eau et qui ne font pas forcément de remous, qui n'envoient pas forcément de jets en l'air. Par exemple, on a vu un nombre assez impressionnant de requins pèlerins, qui sont très délicats à repérer en bateau, parce qu'on voit juste un petit morceau de triangle qui dépasse. Donc là, les scientifiques étaient super contents de nous avoir parce que ça leur a permis vraiment de repérer tout un tas d'animaux à côté desquels ils seraient passés. Clémentine et Adrien ont quitté le Canada plein sud pour survoler l'enfer vert de la forêt amazonienne. C'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine à la même heure.